Silent Fresh. Putain de vie de fou, rien sans rien, rien sans rang. J'fais des gains sans rap, j'envoie des sales rimes. J'ai pas de la galerie, j'ai galéré. Ça m'a blessé, fait des manières, j'peux plus me blairer. Les jaloux et les bandeurs qui m'ont enterré. J'vais les faire serrer, j'leur nique la crâne de la part de mes frangins incarcérés. J'irai faire tout cet été, j'vais tout niquer cet été. J'regarde Facebook, ça m'envoie des TT. Des gens calibrés pétés, ah j'suis de retour, là j'vais pas faire cadeau. J'suis resté moi-même, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de gens ados. J'oublie entre autres au Prado, polo DP, claquette DP. C'est pour qu'ils s'embrouillent, qu'ils sortent les pés, qu'ils font des TP, pétardés comme des épées. Recherché, ça dort un bébé. Retenez bien, je m'arrête jamais. L'avenir reprogrammé, je vois les autres ramer. DP sur le drapeau, tu me rattraperas pas trop loin, trop rapide. T'entends le pot qui pète, broum, le jipette. Tout, je crois que vous êtes fous, vous dansez sur mes sons quand vous êtes sous Grégoze Red Bull. Sous, je vois des coms de pute sur Twitter. Je vois que la team les fait taire. Ça me rend fou, je suis sur vibreur. J'écris seul dans le BMD terre. Je pas chauffé sur le 125. Je vois tout feu rouge, ils viennent à 25. Aucun de mes potes a fini médecin. Ils disent quand on part gâter, on met ton son. Y'a des vicieux, parano, je dis bonjour bizarrement, même à l'épicier. Contre vos grammaires, laissez-moi. Je regarde derrière quand je vais pisser. Petite Opinel 08, pas de 09. Et les gars, Jim gratte mon 06. On m'écoute dans le 7, 5, 6, 9, 3, 1 et 06. Beaucoup de gens glissent devant les gadgets. Beaucoup de gens disent que je suis pas rappé. Beaucoup de gens visent dans ma chute, oh shit. Je parle pas chinois, moi je parle en chiffres. Si je parle en chiffres, ça va porter plainte. Pas la belle, tu vois pas chicken. Là je me régale, envoie une chiclette. Font de la peine après quand je les gagne. Sur le medley, pas chauffé. Appelle-moi Guy, du Magui, je frotte la béquille. Sur le déco, big up Nistico. Je suis avec le Z, baby boy, t'es gars. Joe Petit, Mohamed, des chouchous. Zainou, bang, bang, Hamza. Je passe tant de temps ça, là je suis tension. C'est en 6, pas la tête dans le sang. Je nous décaisse, fais gaffe la caution. Stompe pas du sel, je fais gaffe la potion. Et attention à ce que vous pensez, ce qu'entre vous vous manigancez. Et attention à ce que vous pensez, ce qu'entre vous vous manigancez. Tout ceci, faut rester sensé. Sans sous, j'emmène toute la zone danser. Allez, bref, au-dessus de pas trèfle. Prends 3-4, j'ai la dame de trèfle. Nique les truffes que tu pourras un trophée. Toff sur toff, j'enchaîne, j'dis pas non. Quand tu parles, dis je, dis pas on. Ça fait dindin, écoute, retiens bien. Quand j'fais des crises au mic, c'est pas bon. J'tourne dans la ville en décapotable. Ça me voit, ça pète un câble. Ça fait du business, en tout genre, j'prends ta teuteux direct sur le dab. Ça me salit sur ma vie, mon orthographe est sur ma dégaine. Ils ont voulu m'enterrer, ils ont oublié que j'étais une graine. Hein? Merci, Laza. C'est l'ovni qui vous rafale, ouais, ouais. La la la la la, c'est l'ovni qui vous rafale. La la la la la, la la la la la, c'est l'ovni qui vous rafale.